Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, on rediffuse En mal de toi, le mal logement, une série de Jérôme Sandlars réalisée par Véronique Samuilov. Au départ de cette série, il y a 2 mois confinés chez soi et ses visites collectives pour louer un studio avec la queue qui serpente sur 4 étages pendant qu'on croise les doigts pour être choisi par le propriétaire pinailleur. Mais parfois, il y a des situations inextricables dont on n'a pas envie de parler. Alors pour commencer, les personnages. Un photographe dans sa chambre, une sœur et son frère, des huissiers, un hôtelier qui en a vu d'autres, une femme chez ses parents et un ancien garagiste. Ensuite, le décor. Un petit hôtel, un endroit pour souffler, 9 mètres carrés, du provisoire, des sorties de prison, la douche sur le palier, un camping, un box de parking, la fierté ravalée et pas mal de désespoir. Aujourd'hui, 4e épisode, on ressort les archives. Mes amis, au secours. Une femme vient de mourir, gelée. Il faut que ce soir même, dans toutes les villes de France, des pancartes s'accrochent sous une lumière, dans la nuit, où l'on lise ces simples mots. Toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir, ici on t'aime. Se loger coûte cher, de plus en plus cher. Pour 38% des Français, les dépenses consacrées au logement sont ainsi devenues trop lourdes. En d'autres termes, c'est une charge à laquelle certains ménages ont parfois du mal à faire face. Ce qui confirme bien que En mal de toi, ou parce qu'il faut bien habiter quelque part. Par croissante de la population. Mais comment pourrait-il en être autrement? En 12 ans seulement, les prix de logement se sont envolés de 36% dans l'ancien et de 42% dans le neuf. Les loyers ont suivi la même trajectoire avec notamment... Christophe Robert, vous êtes le délégué général de la Fondation Abbé Pierre. On se retrouve dans votre bureau, dans les locaux de la Fondation, rue Romainville à Paris. Où en est-on aujourd'hui en matière de mal logement, près de 60 ans après l'appel de l'abbé Pierre? Des choses ont quand même évolué positivement. La qualité des logements, le fait d'avoir une salle de bain, des toilettes à l'intérieur du logement, la taille des logements aussi par famille a progressé positivement. Donc là où c'est assez préoccupant, c'est que il existe encore beaucoup, beaucoup trop de situations de mal logement dur. Et puis, que le problème est un peu chronique. Le chiffre des mal logés, c'est aujourd'hui 4 millions de personnes. À l'intérieur de ce chiffre des mal logés, il y a des situations très différentes. Des personnes qui n'ont rien, des sans-abri, des sans-domicile fixe, des personnes qui sont logées, mais dans des logements de mauvaise qualité, ou en surpeuplement, donc à 10, dans 15 mètres carrés. Donc c'est très varié, mais si on prend quelques chiffres qui composent ces 4 millions... Il y a un chiffre qui est très préoccupant, c'est l'augmentation du nombre de sans-domicile fixe. Entre les 2 seules enquêtes que l'INSEE a réalisées sur le sujet, en 2001 et en 2012, on a vu une augmentation de 50% du nombre de sans-domicile. On est à peu près à 150 000 personnes. Et on sait que depuis 2012, compte tenu de ce que l'on voit tous les jours à la Fondation, dans les autres associations, il y a sans doute eu une augmentation encore plus importante. Donc, si on se place du point de vue des personnes, il y a de profondes inquiétudes, même si, à l'échelle temps, il y a eu une réelle évolution. Bonjour madame, je suis l'INSEE. Je viens vous voir pour votre dossier de loyer. Vous avez du retard de loyer. Oui, je sais. D'accord? Oui, j'ai payé les loyers. Vous avez payé? Pas tout. Pas tout. Bon, la procédure, elle est avancée. Là, madame, faut vraiment faire quelque chose parce que votre bail, il est résilié. C'est important ce que je vous dis. Résilié, ça veut dire c'est fini ici. Il va falloir sortir de là. Ouais. Vous allez perdre votre maison. Bonjour, monsieur. Vous êtes au courant de la procédure d'expulsion, là? Non. Il faut que vous preniez, là, des affaires, tous vos papiers d'identité. C'est invalide en plus. Vous allez aller aux services sociaux. Monsieur Justice, de justice, on vous a informé de ma visite. Ouvrez-nous, s'il vous plaît. Il y a un chiffre, par exemple, qui nous préoccupe particulièrement. C'est ce sont les expulsions locatives. Et je ne prends pas ce chiffre par hasard, parce que, en réalité, il est le symptôme des difficultés que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire d'un côté des ménages, des personnes qui ont des ressources fragilisées, qu'il n'ait pas de ressources issues du travail, phénomène de chômage ou de chômage de longue durée, qu'il soit bénéficiaire de minima sociaux ou qu'il soit travailleur mais pauvre, c'est-à-dire que les ressources de leur travail ne leur permettent pas de se loger dans de bonnes conditions. Donc on a d'un côté cette fragilisation des ressources et on a vécu, par exemple dans la décennie 2000, une augmentation très très importante dans les grandes villes notamment, des prix des loyers, des prix des charges, des prix de l'immobilier. Et donc on voit que pour toute une partie de la population, ça ne passe plus. Alors il y a plusieurs conséquences. Soit on dépense trop pour se loger, et donc il y a des gens qui dépensent 50% de leur budget, 60%, et ça a vraiment un impact sur les autres dépenses, hein, l'alimentation, la santé, les loisirs, la culture. Le chauffage. Le chauffage. Et effectivement, la privation de chauffage est un problème majeur aujourd'hui. Des personnes s'entassent dans des trop petits logements. Donc le surpeuplement, par exemple, est reparti à la hausse, c'est-à-dire qu'entre 2006 et 2013, on a 17% de ménages en plus en situation de surpeuplement, et même 25% en Île-de-France. Une augmentation alors qu'on avait vu ce chiffre diminuer progressivement depuis des décennies. Évidemment, les gens qui n'ont pas les sous, ils vont se tasser. Et puis, ceux qui n'arrivent vraiment plus à joindre les deux bouts, eh bien, se retrouvent en situation parfois d'impayé et d'expulsion, dans le pire des cas. Et on a vu le chiffre des expulsions battre un nouveau record l'année dernière, où on dépasse les 15 000 expulsions avec concours de la force publique, c'est-à-dire vraiment une intervention des forces de police pour mettre la famille en bas de la cage d'escalier. Mais on sait que c'est pas seulement 15 000 expulsions qu'il y a, parce qu'il y a des gens qui n'attendent pas que les forces de l'ordre montent, parce qu'ils ont honte, parce qu'ils ont envie de se débrouiller autrement. Et donc on sait que c'est 2 à 3 fois plus d'expulsions chaque année. Et ça, c'est un symptôme de cette impossibilité face à la cherté du coût du logement, charge, loyer, et la fragilisation des ressources, qui est un enjeu majeur pour notre société. Nous nous trouvons devant l'entrée d'un petit hôtel, Hôtel de France, résidence, chambre avec cuisine, à Saint-Ouen. On entre ? Bonjour madame. Bonjour. Ça fait longtemps qu'il existe cet hôtel ? Oui, mais ça fait 46 ans que je suis là. Donc déjà, et il existait avant moi. Voilà. Je vois juste derrière moi, il y a inscrit là sur le mur, l'hôtel ne fait pas de crédit, loyer payable d'avance. Tout à fait. On essaie. On se fait toujours avoir. Hein. D'une façon ou d'une autre, il y en a toujours un qui va nous avoir. Mais bon, on limite les dégâts, disons. Qui sont vos clients ? Nos clients. Il y a le client qui vient de par lui-même, donc en principe c'est le client de passage qui vient pour travailler une semaine ou deux sur Saint-Ouen. C'est le client qui vient de divorcer, qui a besoin d'un pied-à-terre provisoirement. Ça c'est les gens de passage. Après il y a les gens envoyés par les associations et là effectivement ce sont des cas sociaux. Ils ont tous des problèmes plus ou moins graves. Est-ce qu'ils vous racontent un petit peu leur parcours de galère ? Ils évitent. Celui qui le raconte, c'est que vraiment, il a besoin de parler. Mais sinon, ils évitent. Ou celui qui sort de prison et qui en est très fier. Celui-là, il le raconte. Voilà. Là, nous venons pour rencontrer Farid, qui est un de vos clients. Oui. Il vous attend ? Non ? Normalement, oui. Oui, oui. Alors, vous allez monter dans sa chambre. Vous prenez la porte verte, là. Il y a les escaliers. Merci, Annie. Il n'y a pas de pas. Bonjour, c'est Jérôme. Rentrez, allez-y. on est chez vous, là, Farid ? Oui, on est dans la chambre d'hôtel qui m'est allouée. Je vais faire 9 mètres carrés, oui. Un grand lit, un bureau, une armoire où je range mes affaires. Et ensuite, j'ai une petite cuisine qui me permet de me faire à manger. Un petit réchaud avec une casserole dessus. Un grille-pain, et ça me va. Et puis les douches et les toilettes sont communes, sont à l'extérieur. Mais c'est assez propre, c'est très bien, on a droit à une douche par jour. Vu que j'ai passé des moments de galère, c'est très bien, ça me convient assez. Il y a des photos accrochées au-dessus du bureau, au mur. Oui, ça c'est toutes les expos que je vais voir, tous les vernissages. Mais bon, je sais que tout ça, c'est pas des tableaux, c'est pas des toiles, c'est pas des vraies photos. Une fois que je vais déménager, tout ça, ça passe à la poubelle. Vous êtes passionné de photos ? Oui, c'est une passion depuis jeune. Et puis, j'en ai décidé de faire mon métier en 2011, quand je suis tombé au chômage. J'ai eu 2 gros clients pendant 2 ans, et puis ils ont disparu. Les banques d'images se sont installées. Je continue à faire de la photo comme un passionné, mais plus professionnellement, parce que ça m'a apporté beaucoup plus de problèmes qu'autre chose, quoi. Vous avez quel âge, Farid ? 62. Donc j'ai fait une demande de retraite. J'en ai un petit peu marre d'être au crochet du RSA. J'aimerais bien avoir une paye plus normale et commencer à entamer des projets pour ma deuxième vie, quoi. Comment vous êtes retrouvé ici, Farid ? Ouf, ça a été un long trajet. Je ne pouvais pas trop payer une sous-location que j'avais à l'époque. Donc en 2011, j'ai dû partir. Je me suis retrouvé à la rue avec 2 gros sacs, avec l'essentiel de ma vie. Et là, ça a commencé. Ça a été toute une période d'aller à droite, à gauche. C'est les gens que vous connaissez dans le quartier qui, au début, vous accueillent, hein, mais il faut pas rester longtemps. Après, ça s'est un petit peu dégradé, donc j'avais trouvé un parking tout neuf dans un immeuble, donc je pouvais passer mes nuits, mais je me baladais tout le temps avec mon sac. J'avais trouvé une cave aussi dans un immeuble très clean, très propre, où j'ai passé une semaine à peu près. Et un jour, en me réveillant dans cette cave, je savais plus quel jour on était, ni quel mois, ni... Et donc j'ai décidé un truc, c'était si je devais mener cette vie de nomade et de bouger à droite et à gauche, il fallait que tous les matins j'ai un repère. Il fallait que je me rappelle de mon nom, de la date à laquelle on était et où j'avais dormi. Pour moi c'était essentiel pour ne pas perdre la boule vraiment, quoi. On déprime d'abord, on dit qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là, mais il faut pas se laisser aller. L'hiver, il pleut, vous vous retrouvez dans la rue avec 2 gros sacs, donc vous attendez, vous êtes assis, vous attendez, vous buvez un café. J'avais jamais vu autant de gens dehors. Bon, il y a beaucoup de gens dehors. Pour moi, c'était des invisibles. Avant, c'est vrai que je voyais pas les gens dormir. Mais il y en a énormément, il y en a de plus en plus, et c'est beaucoup. Donc là, j'ai appris à connaître les lieux d'urgence. Bon, c'est une question d'orgueil et de dignité. Je me suis toujours démerdé tout seul. Pour moi, c'était les crevards qui demandaient de l'aide à l'État. Finalement, je suis allé à la PSA Bastille, qui s'occupe des hommes seuls. C'est la permanence sociale d'accueil. Là, j'ai rencontré un travailleur social, très gentil, un petit peu sévère, mais ça me convenait très très bien. Et m'a commencé à me montrer les premières démarches à effectuer. C'est-à-dire, je m'étais retrouvé avec beaucoup de dettes. Donc, je suis allé d'abord, les premiers pas, ça a été me déclarer insolvable à la Banque de France. Et ensuite, ils ont fait appel à l'association Aurore, qui m'avait trouvé une chambre d'hôtel pendant un mois, mais que je devais partager avec quelqu'un. Soit je restais dans la chambre, soit je sortais avec mes sacs et les trucs importants que j'avais toute la journée. Et porter un sac de 20 kilos toute la journée, c'est quand même assez dur. Mais j'étais pas dans la rue, je dormais au chaud et j'avais une douche. Pour moi, c'est devenu vraiment le plus important, ça a été pouvoir dormir en sécurité au chaud et avoir une douche, être propre. Confiance dans la nuit. maison qui penche. Elle confiance dans la maison qui penche. Elle confiance dans la maison qui penche. C'est un autre point de vue. Toutes les filles se déhanchent pour trouver l'issue. C'est du jamais vu. Elle confiance dans la maison qui penche. Le problème avec les places d'hébergement d'urgence, c'est qu'on met tout le monde et n'importe qui. Donc on peut avoir des réfugiés, on peut avoir des gens sans papier, on peut avoir des criminels, on peut avoir de tout. Il y a des endroits comme la boulangerie où vraiment c'est un truc immense, où ça ressemble plus à une tôle américaine que... Déjà par la structure, comment elle est faite, et de toute la population. On mélange tout. Il y a deux lieux comme ça que j'ai visités qui m'ont pas plu du tout parce que j'ai commencé à fréquenter des gens du social qui m'ont emmené voir les trajets de comment manger gratuit, comment s'habiller, comment bon tout le système social du gratuit. Et c'est là où je découvre que le système social de ce pays est bien établi. Mais c'est vrai que dans les centres d'urgence, il y a des contraintes. Vous devez voir votre assistant social au moins une fois par mois, voir où en sont vos démarches. Le matin, vous devez être parti à 8 heures, et ce n'est ouvert qu'à partir de 15 heures, 18 heures, ça dépend du lieu. Parce que à 8 heures, on devrait aller faire l'administration, on devrait pouvoir aller chercher du travail, aller à Pôle emploi, faire des démarches. Mais bon, il y a des gens sans papier, il y a des gens réfugiés qui ne connaissent rien à rien. Alors chercher du boulot, aller à Pôle emploi, eux, ça leur passe au-dessus. Donc c'est vrai qu'ils se retrouvent à 8 heures du matin, dehors, avec le froid, la pluie ou le soleil. Et ça déprime pas mal de gens, d'où beaucoup d'alcoolisme, pas mal de drogue. Et ça fait aussi un petit peu le fond de commerce de toutes les associations. Ensuite, on m'a dirigé vers l'association du CASP, qui est le Centre d'Action Sociale Protestante. Parce qu'ils gèrent à Bercy, avec la SNCF, un train où ils peuvent loger des gens. Et puis, ils ont construit beaucoup de bungalows urbains à côté. Donc, j'ai eu un bungalow urbain pendant un an à peu près. Ce qui m'a permis aussi, pareil, de poser mes affaires, de pouvoir faire toutes les démarches administratives, de pouvoir me mettre à jour sur mes papiers, ma paperasse que j'avais accumulée pendant 2-3 ans sans rien faire. Ça m'a permis de faire une demande de RSA, donc de revenus. Une fois que j'étais plus stabilisé, on m'a installé ici, on m'a donné cette chambre d'hôtel qui est devenue ma nouvelle base. J'appréhendais, c'était un jour pluvieux où il faisait moche, il n'y avait pas de lumière, je suis rentré, j'ai vu la piole, elle était sombre, vous avez bien vu la peinture saumonée, marron, disgracieux, c'est vieillot. Mais finalement j'ai trouvé du charme et j'ai occupé la chambre d'hôtel comme j'ai l'habitude d'occuper les chambres d'hôtel, c'est-à-dire mes affaires, un lieu pour travailler, ne jamais être là à part pour bosser, manger un petit peu le soir et dormir, quoi. C'est le fait d'avoir la clé dans la poche et d'être libre d'aller et venir, c'est vraiment très très bien. C'était vraiment ma base. À partir de là, ça y est, je peux commencer une vie sociale et continuer mes démarches. Là, j'ai appris que cette année, je pouvais faire la demande de ma retraite. Donc, j'attends les résultats. Sortir aussi du RSA qui est très... c'est oppressant quand même. C'est oppressant parce que c'est peu d'argent, mais on vous pointe toujours du doigt. Et c'est très peu, hein. Donc, petit à petit, dans ma mentalité... avant je consommais énormément, maintenant c'est vraiment le nécessaire. Si j'en ai pas besoin, ben j'ai pas besoin de l'avoir. Cette chambre d'hôtel que vous occupez, Farid, elle coûte combien par mois ? D'après les prix marqués à la porte, c'est une chambre à 31 euros pour une personne, ce qui fait à peu près 900 euros par mois. Moi, ça me coûte à peu près 80 euros par mois, un quart de mes ressources. Étant donné que c'est de la réinsertion, on nous apprend aussi à repayer un loyer et on nous demande 10%. C'est bien parce que c'est une façon de nous réguler un petit peu vers la vie sociale. Donc j'achète à manger, oui. J'ai les transports gratuits, donc j'ai peu de frais. Actuellement, avoir une chambre où dormir au chaud ou pouvoir travailler un petit peu sur le bureau me suffit largement, largement. Donc vraiment dans le métier, je fais rien paraître ni rien. Par exemple, là, je fais des photos pour la Fashion Week, pour la semaine de la mode, et c'est un milieu vain, vaniteux, dont l'apparence compte beaucoup. J'essaye d'être propre, personne ne sait que je suis dans une galère de vie. Est-ce que vous recevez ici ? Non, ça c'est ma base, c'est pas chez moi. Déjà quand je fais à manger, il faut que j'ouvre les fenêtres. Vous voyez, c'est très petit, la moindre cuisson, les odeurs partent et tout ça, non. Tant que je suis pas stabilisé complètement, que je peux dire ça c'est mon foyer ou c'est ma maison, non, j'invite pas, c'est pas... Comment vous l'imaginez la retraite, Farid ? Paris, une fois que je vais avoir un appartement, même si c'est un appartement social, ça va être un loyer cher. La vie est chère quand même, c'est la capitale. Est-ce que je pourrais pas vivre dans une espèce de confort qui m'irait mieux ? À la limite, j'aimerais bien trouver un village abandonné ou un hameau abandonné, tout retaper, commencer à cultiver. Et, cette vie paisible m'intéresserait beaucoup, quoi. Donc, oui, je fantasme sur une retraite paisible et confortable. Pas un hôtel 4 étoiles, pas un château, ni rien. Le minimum pour me rendre heureux et pouvoir pratiquer tout ce que j'ai en tête me suffirait largement, quoi. Alors, est-ce que j'ai pris les clés, moi ? Ah, voilà. Qu'est-ce que vous en dites ? Il est pas mal, cet appartement, non ? Non, c'est pas bien, ça, j'aime pas. Et vous avez encore rien vu ? Non, mais je vais regarder, mais... C'est... Oh là là, non, c'est petit, ça. C'est... 66 mètres carrés, plus la mezzanine. Et vous arrivez à en louer beaucoup, les appartements ? Comment ? Je suis moyennement motivé aujourd'hui pour parler franchement. Il est bien celui-là. Ah oui. Il est calme. Ah oui, ça. Il est clair. Le prix est à peu près raisonnable. Bah oui. Donc, celui-là, on peut dire que... Ah oui, il est très bien. Non, il est très bien. Je peux pas dire le contraire, hein, ça... Mais... Il est trop grand. Et les studios ? Un studio. Vous en avez ? Christophe Robert, parmi les études que vous avez menées ici au sein de la Fondation Abbé Pierre, il y en a une, je crois, qui porte sur ce que vous appelez la génération boomerang. Vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi il retourne ? Oui, ce sont des personnes qui, à un moment, ont pris leur indépendance et qui, au fil des difficultés qu'ils ont pu rencontrer, alors ils sont confrontés au marché du logement, ils ont pu avoir un problème de perte d'emploi, il y a peut-être une séparation conjugale, un problème de santé, et du coup, ce retour à la case départ est assez massif et constitue pour nous un indicateur de fragilité important. Alors évidemment, beaucoup de gens nous disent « Oui, d'accord, mais enfin, ils sont pas à la rue. Ils sont pas dans un logement dangereux. » C'est vrai, mais ça doit quand même nous interroger sur la capacité de notre société à pouvoir permettre d'offrir des conditions de vie dignes en autonomie Je pense aux jeunes, en particulier des jeunes qui sont peut-être plus très jeunes d'ailleurs, hein, parmi la génération boomerang, 35, 40, 45 ans, qui vont retourner. Enfin, c'est quand même profondément déstabilisant, infantilisant, et donc à côté des conséquences très dures du mal logement des personnes à la rue, des personnes dans les bidonvilles, dans des cabanes, il y a aussi tout un pan de la population qui, j'allais dire en silence, souffre, en tout cas subit des vraies difficultés imposées par la crise du logement et les situations difficiles d'accès ou de maintien dans le logement. De passage au camping La Garenne dans l'Oise, nous croisons Chantal, une retraitée qui a choisi de vivre en mobil-home à l'année, faute de moyens suffisants pour s'acheter un appartement. Depuis quelque temps, elle et son ex-mari hébergent à tour de rôle leur fille, venue chercher auprès de ses parents un nouveau souffle après une période difficile. Voilà, Madame Bourge, qui est donc propriétaire. Voilà. Ah non, on a fini, mais bon. Oui, oui, allez-y. Ne vous inquiétez pas avec le chien. Non, non, non. Bonjour. Bonjour, madame. Alors, je ne sais pas qui est madame. Bah, c'est ma fille, non. Non, non, elle n'habite pas ici. Je suis pas exceptionnellement là. Assis. On s'installe dans la cuisine. Vous voulez me décrire un peu votre intérieur? Ah oui, si vous voulez. Alors ici, il y a une chambre avec un coin WC et un coin salle de bain. Ici, on a refait une chambre, enfin une pièce. Voilà. Après, ça fera un petit salon parce que ma fille, elle est là juste en dépannage. Voilà. Alors, je suis Agnès, donc j'ai 41 ans. À l'âge de mes 20 ans, je suis partie dans le sud pour y vivre avec mon chéri, mon amour de jeunesse. Et puis bon, on a rompu un an ou deux ans après. Après, j'ai fait ma vie, je suis restée 20 ans dans le sud et me revoilà un peu plus proche de mes parents qui étaient dans 95 quand je les ai quittés. Maintenant, ils sont dans 60. Vous faisiez quoi? Vous travailliez dans le sud ou... Oui, oui, oui, j'étais dans une savonnerie où j'étais à la production comme... dans la formation des équipes et dans l'encadrement d'équipes. Et actuellement, je suis en transit entre le domicile de mon papa et un petit peu de temps en temps chez maman pour pour pouvoir trouver un peu de marque. Et puis, je suis dans l'attente d'avoir un logement dans l'Aisne. Et ensuite, j'espère vite trouver un emploi ou une formation de reconversion. Voilà. Ça fait combien de temps que vous habitez chez votre père ? Un petit peu plus d'un an. Comme je trouvais pas, j'avais pas de réponse pour les logements et puis que mon papa pleurait au téléphone et que mon fils sautait au plafond d'aller chez papy. Donc j'ai décidé d'aller chez papy. Donc vous avez 41 ans, vous êtes maman, si j'ai bien compris, et vous êtes de retour chez papa. C'est ça, c'est très complexe. Comment vous l'avez vécu, cette cohabitation? Chacun de son côté. Chacun de son côté. Il vit en bas, je vivais en haut. C'est triste, mais c'est comme ça. C'est la vie. C'est un choix que... Est-ce que je peux dire je le regrette? Je sais pas, j'aurais essayé, on va dire. Et donc depuis, vous faites quoi? Vous êtes resté chez lui? Chez lui, chez maman, voilà. Voilà. Et comment vous vivez ça? J'ai hâte d'avoir mon intimité, ma vie de femme. Me retrouver dans mon chez-moi. Et je vais faire du mieux que je peux pour m'en sortir. Voilà. Tout simplement. Vous pouvez pas savoir ce que je suis content d'être ici. Parce que je déteste être chez moi. Ah, je déteste être chez moi. À tel point que lorsque je vais chez quelqu'un et qu'il me dit « Vous êtes ici chez vous », je rentre chez moi. Si je vais chez quelqu'un et qu'il me dit faites comme chez vous, je fais plus rien. Déjà chez moi, c'est moi qui fais tout. Je vois pas pourquoi j'irai tout faire chez quelqu'un sous prétexte qu'il m'a dit faites comme chez vous. Le phénomène de l'hébergement contraint chez des tiers, ça touche à peu près donc 650 000 personnes, mais ce qui est inquiétant, c'est qu'on a une augmentation de 20%. Et j'insiste sur un point, à partir du moment où vous êtes dans cette situation-là, vous n'êtes plus prioritaire non plus pour l'accès au logement social, à des aides particulières, parce qu'on dit, d'accord, vous n'avez pas d'enfant, et puis vous avez déjà un toit, votre frère, etc., etc. Donc, c'est aussi quelque chose qui nous préoccupe beaucoup, parce que cet hébergement chez des tiers est devenu un véritable amortisseur de crise du logement, et on a des données là-dessus qui nous montrent que le phénomène grossit. C'est-à-dire que on mesure à quel point l'absence de solution de logement adaptée pour beaucoup de monde conduit à toute forme de réponse, mais insatisfaisante pour le quotidien des personnes. Bonjour. Bonjour Valérie. Voilà, c'est donc ici que je vis, dans cet appartement, dont mon frère est le locataire, j'habite avec lui. Un petit balcon, donc lui il l'a eu par son employeur, voilà, par le 1% patronal. Et moi je me trouvais en difficulté à un moment donné et il m'a proposé de venir habiter chez lui. Ça devait être une situation provisoire et puis ça dure depuis 10 ans, voilà. Alors ici donc la chambre de mon frère, ici c'est donc le salon, salle à manger, buanderie. Donc c'est un trois pièces. C'est un trois pièces, tout à fait. C'est un trois pièces, un grand couloir, là ma chambre. On est passé devant la cuisine et la salle de bain. Voilà, ici c'est ma chambre. Donc c'est une chambre qui fait à peu près 10 mètres carrés, je pense, 10-12 mètres carrés, quelque chose comme ça. C'est plutôt agréable parce qu'on est... On est au cinquième étage, donc il y a de la lumière, quoi. Et ça, c'est vraiment agréable. On a vu sur un grand arbre, on voit pas trop les voisins. Voilà. Je m'installe sur votre lit. Allez-y, oui, parce qu'en fait, mon lit est également ma salle à manger, mon salon. Voilà, on vit chacun un petit peu. On cohabite avec mon frère, on cohabite, donc on ne partage pas de repas, on ne partage pas de séries télé. Et voilà, bon, on s'entend plutôt correctement. Parfois, il y a des petits heurts parce que on a tous les deux. Moi, j'ai 55 ans, lui va en avoir 54, donc. Il y a des moments un petit peu plus compliqués. Là, il est avec une amie depuis 4 ans. Et c'est vrai qu'elle aimerait pouvoir venir un peu plus souvent à la maison. Mais comme j'y suis, j'essaie de m'arranger dans ces cas-là pour ne pas être là, parce qu'elle préfère évidemment être seule avec mon frère. Valérie, comment vous êtes retrouvée à être hébergée par votre frère ? Vous disiez il y a 10 ans. Eh bien, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais logée dans, j'avais un deux pièces dans le 11e arrondissement, qui était très sympa et qui m'avait été loué par des amis. Donc, il coûtait 600 euros par mois. Et c'est avéré que ce propriétaire voulait récupérer l'appartement pour un de ses enfants. À partir de là, on a mis fin au bail, puisque légalement, on peut récupérer un appartement pour y loger un de ses enfants. Et étant donné ma situation financière et professionnelle à cette époque-là, il était très très compliqué pour moi de trouver un appartement dans le privé, quoi, parce que je, avec un salaire de en gros 1400 euros par mois, c'était assez compliqué. Donc mon frère m'a spontanément proposé de venir vivre avec lui dans ce trois pièces qu'il occupait seul. Il avait divorcé. Et voilà, donc a priori, c'était une situation qui devait être provisoire. Et ça fait 10 ans que j'habite là maintenant. J'ai déposé une demande HLM à Paris Habitat. que j'ai renouvelé chaque année. Voilà, ça fait 9 ans. Ce qui me donne des points d'ailleurs. qui me donne un point en fait. L'ancienneté de la demande de logement en fait ne joue pas tellement. Il y a des situations que la mairie doit estimer plus précaires. Et comme les violences familiales ou la surpopulation dans un appartement, enfin, ou la vétusté d'un appartement, qui sont des critères beaucoup plus probants pour la mairie, qui fait qu'ils vont accorder plus facilement un appartement à une personne qui est dans une situation beaucoup plus précaire que moi. Même si je suis dans une situation qui est précaire, puisque par moment, voilà, notamment il y a 3 ans, mon frère aurait vraiment voulu que je parte, puis il a changé d'avis, et puis moi aussi. Mais ma situation n'est pas suffisamment désespérée pour que je sois en position favorable par rapport à d'autres candidats. Voilà. Vous avez 55 ans, mais vous vivez un peu comme une étudiante. Oui, tout à fait, je vis un peu comme une étudiante. Alors je l'ai investi, j'ai mis ma déco, mes livres, j'en ai beaucoup, mes tableaux, mes disques. Mais ça reste un logement dans lequel j'ai toujours conscience que j'habite chez mon frère. En termes de relations personnelles, que ce soit avec des amis, avec des petits amis, je ne me permets pas d'inviter ici qui je veux, quand je veux. Par exemple, je n'ai jamais invité quiconque à dîner ici. Jamais. Je dîne à l'extérieur. À 55 ans, j'ai quand même aussi envie d'avoir un chez-moi. Et c'est vrai que j'aimerais pouvoir inviter des amis chez moi. Et là, je m'en sens pas complètement le droit. Même si je sais que de temps en temps, ça ne gênerait pas mon frère. Mais lui-même ne le fait pas vraiment non plus. Sa petite amie vient régulièrement ici et quand elle est là, en général, je n'y suis pas. Je m'arrange pour aller dormir ailleurs. C'est-à-dire que vous n'apparaissez pas sur le bail ? Absolument pas, non. Étant donné que je paie quand même un loyer, alors c'est un loyer forfaitaire hein, qui comprend le téléphone, Internet, de 350 euros... Je suis allée poser la question à la CAF pour savoir s'il était possible d'avoir des APL. Dans la mesure où on est hébergé par un membre de la famille, on ne peut pas toucher d'APL. Et aujourd'hui, vous avez une activité, Valérie ? Oui, je suis intérimaire et je suis vendeuse en boulangerie. Et je touche 1330 euros par mois, net. Donc je ne peux pas prétendre à un logement social qui excède 400 euros par mois. En gros, un tiers de mes revenus. Sachant qu'avec ça, il faut que je puisse subvenir à mes besoins. Ce qu'on appelle le reste à vivre. Ce qu'on appelle exactement le reste à vivre. Comment vous vivez cette situation ? Aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué parce qu'effectivement, j'ai de moins en moins envie de sortir. Mes distractions se limitent un petit peu au cinéma, à la piscine. Souvent des loisirs qui ne coûtent pas très très cher. Ça me pèse de plus en plus de ne pas avoir vraiment de chez moi. Je m'entends bien avec mon frère, mais c'est vrai qu'il se couche très très tard, par exemple. À 2-3 heures du matin, il se couche. Moi, j'ai l'habitude de me coucher plus tôt. Ça peut me gêner. Ça peut me gêner. Il écoute la télévision assez fort, par exemple. Et je m'interdis même depuis un certain temps d'avoir une relation amoureuse. J'ai pensé à un moment donné partir, prendre n'importe quel logement. J'ai même une amie qui est propriétaire d'un 11 mètres carrés dans Paris qui m'a proposé de le louer. Et mon frère rapidement m'a dit mais non, c'est pas possible. En plus c'était plus ou moins en sous-sol. Enfin bon, c'était... Il m'a dit, écoute, prends le temps de trouver l'appartement qui te convient et voilà, et ça sera mieux pour nous deux, c'est sûr, parce que cette situation ne peut pas durer éternellement. À ton âge, tu peux pas habiter dans une studette, c'est pas possible. L'autre situation, c'est ce qu'on appelle, nous, la zone grise du mal-logement, c'est-à-dire que Des personnes qui, eux, savent très bien qu'ils ne trouveront pas parce qu'ils n'ont pas les ressources ou pas les garants pour pouvoir se loger ou parce qu'ils n'ont pas pu accéder à un logement social, se rabattent vers toute forme de mal-logement. Donc c'est des caves et des parkings transformés en logements. Ce sont des personnes qui vont se mettre en bidonville, dans des cabanes discrètement au fond d'un bois. Ce sont des personnes qui vont subdiviser des logements pour en faire plusieurs foyers. Ça peut passer aussi par le camping à l'année, le mobilhome. Donc bien sûr, ça, ce sont des situations que l'on voit très fréquemment à la Fondation Abbé Pierre. Alors c'est difficile de dire s'il y a une dégradation, puisqu'il n'y a pas de statistiques sur la question. Il y a quelques chiffres sur les bidonvilles qui nous montrent qu'il y a à peu près 15 000 à 16 000 personnes qui vivent dans des bidonvilles en France. Sur le phénomène du camping à l'année, une enquête montrait qu'il y a à peu près 100 000 personnes. Mais en tout cas, il y a une multiplication de formules alternatives que les uns et les autres trouvent, parce qu'il faut bien se loger à un moment et se mettre un toit sur la tête. J'ai tout dévissé. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là ? Eh ben, j'essaie de changer l'ampoule. Ah oui, donc il y a un des deux filaments qui est mort. Je vais essayer de chercher une ampoule là, dans mon bazar. Il n'est jamais facile de déterminer précisément les raisons qui poussent une personne à se retrouver à la rue. C'est souvent un ensemble de facteurs. Après avoir été propriétaire d'un petit appartement en banlieue parisienne, travaillé comme mécanicien chez différents concessionnaires, été marié, Pierre a tout perdu et n'a trouvé comme seul refuge qu'un box de parking dans lequel il répare à moindre frais des deux roues. Ce jour-là, nous avions rendez-vous pour qu'il jette un œil au feu avant défectueux et à l'embrayage de mon scooter. Et comme ce n'était pas ma première visite, le tutoiement s'est naturellement imposé entre nous. Où est-ce qu'on se trouve, là, Pierre ? C'est mon box. Mon box dans lequel je vis depuis 10 ans. Bon, c'est bon, j'ai l'ampoule. C'est le bazar absolu. La même chose qu'est-ce qu'il y a dans ma tête, quoi. C'est le chaos. Je cherche un truc, je passe la journée à le chercher, je le trouve pas. Il y a des bombes de peinture, il y a des vêtements qui ont pris l'eau, qui ont pris l'humidité... Il y a des outils, des médicaments, des gâteaux, des clous, de la colle, des bougies, des livres. Un lit suspendu derrière nous. C'est mon lit où je dors. Avec un petit ordinateur dessus. Voilà, mon petit ordi, ma petite clé 3G. Un petit téléviseur aussi. Ouais, je peux regarder les DVD. J'ai un micro-ondes, un frigo qui est pas branché pour pouvoir stocker ma nourriture sans que les souris les mangent. Voilà, il y a des trucs comme ça, par exemple des cornflakes, il faut que je les range vite fait parce que sinon les souris vont tout bouffer. Il y a l'odeur d'humidité, de moisissure parce qu'il y a des inondations dans le box. Et pour tes besoins, tu fais comment ? J'ai un bidon de 10 litres. Je le vide quand il est plein. Sinon, je vais au McDonald's. Pour la toilette, tout ça, tu fais comment ? Je vais à la douche municipale quand j'y pense. Et tu vis de quoi, toi, Pierre ? Je vis de quoi ? Je bricole. J'essaie de bricoler, j'essaie de m'en sortir. Je suis obligé de me débrouiller, moi. Qui c'est qui va m'aider, moi ? Et toi, tu vis avec combien ? J'ai même pas le RSA parce que... Il y a la dictature administrative. Chaque fois que j'ai voulu me faire embaucher dans les garages, on m'a dit je te rappellerai. Il n'y a rien, il n'y a que l'exploitation. Toi, t'es garagiste au départ ? J'ai fait de cadeaux. Ouais, bien sûr. Je vis pas, je survis, quoi. J'ai fait des foyers. C'était quoi, un foyer d'hébergement d'urgence ? Un foyer d'hébergement d'urgence 115. Mais vraiment la grande classe, hein. Je peux vous dire. Ils m'ont mis dans une chambre avec des drogués alcooliques qui passaient leur temps à m'insulter, à me menacer. Sans compter tous les vols qu'il y avait dans le foyer, ça n'arrêtait pas. Et ici, tu fais comment ? Tu loues ? Ah oui, je loue. On va pas me faire cadeau. Et tu loues à qui ? Un gérant. Je loue comme tout le monde, hein, comme n'importe quelle personne qui loue un box. Hein. Voilà. Et il sait que tu y vis ? Il me dit que j'ai pas le droit, mais il tolère parce qu'il sait que j'ai aucun endroit où aller, quoi. La loi, c'est la loi. Faudrait que j'aille dormir dans la rue pour faire plaisir aux gens, quoi. Mais... Tenez-moi 800 euros à sortir. Si j'étais intelligent, je balance tout et puis je peux me payer un loyer. Un loyer d'appartement, mais bon. Mais bon. On s'habitue. Tu pourrais te payer une petite chambre de bonne ou un tout petit studio Dans mon garage, j'arrive à bricoler. Dans mon box, j'arrive à bricoler, gagner un peu d'argent. Que là, je pourrais pas payer les deux. Où c'est que je vais débarrasser tout mon bazar, là ? C'est ça le problème. Tout ce que j'ai accumulé là, je peux pas le mettre dans un appartement. Je suis coincé. On est coincé de tous les côtés. Dieu merci, j'ai pas de crédit. J'ai que des tonnes d'amendes sur le dos, mais j'ai aucun crédit. Ça va. T'as une femme, t'as des enfants, toi, Pierre ? J'ai un juge qui m'a autorisé à les voir. J'ai jamais pu les voir, quoi. Madame, elle m'a mis au tribunal, elle a demandé 1000 euros de pension alimentaire, elle a demandé au juge de me retirer tous mes droits parentaux envers mes enfants. Et voilà, c'est tout. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui ? Rien, j'attends midi pour aller manger au restaurant du cœur, peut-être je vais parler avec quelqu'un, je vais papoter un petit peu, et puis voilà, il n'y a rien à faire. Si t'avais le choix aujourd'hui, Pierre, tu rêverais de vivre où ? Mais je me le demande, franchement. Voilà, c'est bon. Il démarre ? Un beau bruit, hein ? Impeccable. Il y a des situations d'urgence. Et peut-être il y a aussi des occupations de l'espace un peu différenciées que l'on peut envisager. Je prends juste un exemple. Imaginons une grande entreprise française veut faire un gros projet de son siège ou immobilier ou je sais pas quoi dans 3 ans. Elle sait que on va démolir ici pour reconstruire quelque chose. Pendant ces 3 ans, on peut peut-être envisager une occupation temporaire de cet espace pour apporter des réponses temporaires à des gens qui rencontrent des difficultés de logement. Mais la question derrière, c'est est-ce que, après l'usage temporaire de ce foncier temporaire, est-ce qu'on va vers une solution plus durable ? Est-ce qu'on accompagne les personnes vers une solution plus durable ? Et ça, c'est quelque chose qui peut être envisagé. Il est arrivé à la Fondation Abbé Pierre d'apporter des réponses à des gens qui étaient en bidonville, ou à la rue, ou en gymnase, dans des caravanes pendant un temps, le temps que les enfants s'inscrivent à l'école. Pendant ce temps-là, les adultes allaient se former à des métiers, et puis après, on les accompagnait dans l'accès au logement. Mais vraiment, par contre, il nous semble qu'il ne faut pas baisser l'ambition quand même. Hein, c'est-à-dire, tout le monde a le droit de se loger dans des conditions satisfaisantes, si c'est ça leur souhait, et de façon sédentaire, sans avoir à changer tous les 6 mois ou tous les 2 ans. Je m'appelle Touari, je suis le premier habitant à la cité de l'air depuis 2015. Donc on occupe les lieux et on a eu des arrivées des Syriens, des Bosniaques, des Roms, des Algériens, des familles italiennes, familles marocaines qui sont avec nous. On vit ensemble, on est presque 160 personnes et on a 70 enfants. Avec 28 familles et 37 célibataires, il y a même des sans-papiers. Et on attend l'expulsion. Et on attend monsieur le ministre Nicolas Hulot pour arrêter l'expulsion qui maintient les gens dans leur logement en attendant qu'il va les reloger un par un et pas nous mettre dehors et nous proposer des hôtels de 3 jours et après les gens ils se retrouvent dehors et sans logement et sans toit. Donc on demande à... Simon, vous êtes l'un des membres actifs, l'un des salariés du DAL. Donc on est avec les habitants de la Cité de l'Air qui ont occupé depuis 2015 les bâtiments, les maisons laissées vacantes depuis plusieurs années. Et donc ces familles à la rue sans logis, eh bien par nécessité se sont réfugiées dans ces longères qui en fait avaient été construites par l'armée américaine à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale pour loger les salariés de l'aviation civile. Ils sont laissés vides depuis environ 6 ans. Voilà. Donc depuis 2015, il y a cette menace qui pèse sur les habitants qui se sont organisés sur place. Il y a vraiment une vie de quartier qui s'est mise en place. Les espaces verts sont entretenus, les espaces communs aussi. Ça s'est un peu précipité ces derniers jours par le fait qu'une partie des habitants ont reçu le commandement de quitter les lieux. Voilà. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a pratiquement 70 enfants sur place. Parmi ces enfants, il y en a une trentaine qui n'a pas été scolarisée. La maire de la commune d'Athis-Mons a refusé, ce qui est complètement illégal, a refusé de les scolariser. Et donc là, on est face à une situation où l'État veut mettre à la rue toutes ces familles, ces célibataires, alors que les dispositifs d'hébergement sont complètement saturés, alors qu'il y a une crise du logement sans précédent. Certains sont demandeurs HLM, certains sont propriétaires d'allo, ils attendent un relogement depuis longtemps. Et tout ce qu'on leur propose, c'est de les mettre à la rue. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Où est-ce qu'ils vont, ils vont se retrouver? Là, les familles, elles sont bien, elles sont installées, tout se passe bien. Ce qu'on sait juste, que c'est qu'effectivement, ce terrain, il y a de nombreux acteurs de l'immobilier qui ont les yeux rivés dessus parce que il y a du foncier, quoi. Et donc, on est en bordure de Paris. Avec le Grand Paris, ben, ça prend de la valeur. Mais concrètement, on ne nous a jamais montré un projet immobilier, un projet d'aménagement sur le site. Et donc, il n'y a aucune urgence qui justifie cette expulsion. Chez moi, c'est merveilleux. À côté des étoiles, j'habite. À deux pas du ciel, toujours bleu. J'attendrai chez moi votre visite. Là-haut sous les toits, dans mon logis. Tous les jours, je reçois. Venez, venez vite, c'est gentil chez moi, venez ici. Merci à Farid, Agnès, Valérie, Pierre, Doiry, Simon et Christophe Robert. Prise de son, Christophe Papon. Mixage, Éric Boisset. C'était En mal de toi, parce qu'il faut bien s'abriter quelque part, un documentaire de Jérôme Sandelars, réalisé par Véronique Samouilov. Squatteurs, sans domicile, petits propriétaires pris à la gorge, colocataires, marchands de sommeil ou bricoleurs, LSD, c'est tout pour cette semaine. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter avec un toit au-dessus de la tête, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Bonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et ailleurs, et nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Et la semaine prochaine, nous invoquerons les sorcières. Mais demain, à la même heure, c'est Grand Reportage, et pour faire patienter vos oreilles jusqu'à lundi, il y a les rendez-vous documentaires du week-end, Une histoire particulière, toute une vie et l'expérience.